cours numéro 4. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Akhadna fi d-dars al-sabiq al-shart al-awwal min shurut la ilaha illallah. Dans le cours précédent, on a étudié ensemble la première condition de la ilaha illallah, ay al-ilm. Wa qabla dhalik bayyanna wa lillahi alhamd anna هذه الكلمة قيدت بقيود ثقال. أي هذه الكلمة c'est pas qu'une parole qu'on doit prononcer avec la langue. فقط لا. On doit la prononcer bien sûr. لكن elle renferme un sens, des conditions. كذلك elle va impliquer des أعمال, des œuvres. فهذه هي التي تنفع. هذه الشهادة هي التي تنفع صاحبها. بإذن الله عز وجل. فما معنى هذه الشهادة العظيمة؟ le sens de لا إله إلا الله عند من؟ عندك؟ معنى إن عباد الله فقط بالعربية؟ لا معبود حق إلا الله. لا معبود حق إلا الله أو لا معبود بحق إلا الله عز وجل. C'est ça le sens de la ilaha illallah. Personne ne mérite d'être adoré sauf Allah Jalla wa Ala. Et cette kalima ou ce sens, il est fondé sur deux piliers. On les a vus كذلك عندك. النفي والإثبات. أحسنت. معنى النفي؟ نفي العبادة عن كل ما سوى الله. أي on a la conviction, la croyance à tous ceux qui sont adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont adorés bi batil. Et leur adoration, c'est du shirk billahi azza wa jalla. Pourquoi? لأن العبادة c'est un حق لله خاص بالله كما في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه ما حق الله على العباد قال يعبدوه لا يشركوا به شيئا. C'est ça حق الله. Donc cette shahada elle montre حق الله subhanahu wa ta'ala. Personne ne mérite d'être adoré sauf Allah. فالنفي أي نفي العبادة عن كل ما سوى الله عز وجل. والإثبات عند من؟ الإثبات ها؟ عبادة الله وحده لا شريك. نعم نثبت العبادة لله وحده لا شريك له. فنفي وإثبات لا إله إلا الله. Une négation أي on nie toutes les adorations, tous ceux qui adorent autre qu'Allah, et une affirmation, إثباتٌ أي العبادة سنحق لله عز وجل وحده. هذه هي معنى لا إله إلا الله. Donc cette kalima, on la prononce, on doit connaître le sens. Et le sens, il est fondé sur deux piliers, النفي والإثبات. Et cette kalima, elle va impliquer ماذا? Celui qui l'a dit, qu'est-ce qu'il doit faire? Ce n'est pas qu'une parole à dire. Hein? فما هو العمل؟ نعم. عبادة الله وحده لا شريك له. Il doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala et s'écarter du shirk. ثم, on a cité la première condition, العلم, et on a cité المعنى. ما الدليل على هذا الشرط العلم؟ ما الدليل من القرآن ومن السنة؟ عندك؟ إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أحسنت. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أي شهد بلا إله إلا الله وهو يعلم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il a démontré أن الشهادة لابد من علم. لأن le témoignage ça doit être fait بعلم. أما témoigner d'une chose qu'on ne connaît pas, هذا ce témoignage فيه نظر. ومن السنة. تفضل. صلى الله عليه وسلم أحسنت. حديث عثمان في صحيح مسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. فدانس حديث النبي صلى الله عليه وسلم il a cité deux choses pour que cette shahada soit profitable. La première hein? العلم. Et la deuxième يموت على ذلك. Enfin, il doit connaître le sens et il doit mourir à la hada. Hada, bi idnillahi azza wa jal, yadkhul al-jannah. Ma dalil anna ma'na la ilaha illallah, c'est la ma'bouda haqqun illallah. أحسن ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل ما يدعون أي ما يعبدون فصمتخ أن الحق ستشهادة سأدغي الله سل أدغي أدخك الله سباطل سأنل ستشهادة سأنل تتلي زبغ كما بيّن الله سبحانه وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من أشرك معي غيري تركته وشركه حديث قدسي في صحيح مسلم Et Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui adore un autre avec Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il le délaisse et il n'accepte pas ses œuvres. Et fil Qur'an al-Karim, la in ashrakta, la yahwatanna amaluk. Walau ashrako, la habit anhum ma kanu ya'amaloun. Tous ces adil-là, ils montrent un ashrik, ça annule les œuvres, et parmi ses œuvres, al-shahada. Donc, elle est d'aucune utilité pour al-mushrik. Liwada, li anna cette shahada, c'est le contraire du shirk. Cette shahada, tu témoignes que tu adores autre qu'Allah. Donc celui qui témoigne annahu la ilaha illallah, il ne doit pas faire du shirk. S'il témoigne et fait du shirk, il annule le shahada. S'il l'a dit bihaq, il annule le shirk, il ne fera pas le shirk. Fa at-tawhid wa shirk la yajtami'a fi qalb al-shakhs. La personne, elle ne peut pas être mouahid et mouchrik en même temps. Là, at-tawhid, il efface le shirk. Ou le shirk wa l'ayadu billah, il efface le tawhid. وبعض الناس ils ont des tafasirs, on a vu la ilaha illallah batila. Parmi les tafasirs batila qui sont propagés, un بعض الناس للاسف ils pensent que هذا التوحيد ولا اله الا الله المراد c'est الربوبيه فقط اي لا خالق الا الله. Quand il dit la ilaha illallah, ils pensent que le sens et le but c'est de unifier Allah dans Annahu, c'est le créateur, celui qui gère tout, Azza wa Jal. Tawhid al-Rububiyya. Et il pense que ça suffit. Wa hadha batilun min wujuh. Ça, c'est batil pour plusieurs raisons. On a cité madha, tawaddal. Anna al-mushrikina fi zaman al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam aqarru bidhalik. Al-mushrikuna, à l'époque du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont reconnu Anna Allah, c'est le créateur. Malgré cela, ils ne sont pas rentrés dans l'islam. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam continuait à leur dire qulu la ilaha illallah, dites la ilaha illallah. Ma dalil annahum reconnaissaient ar-rububiyya. Tafaddal. N'am. Ahsant. Falihada, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il les appelait au tawhid, malgré leur reconnaissance et leur croyance en Allah, c'est lui le créateur, ils refusaient ash-shahada. Et ça montre annahum ils ont compris le sens. Ils ont compris que le fait de dire la ilaha illallah, c'est pas une simple reconnaissance en Allah, c'est le Khaliq. Là, ça serait ça, la signification de la ilaha illallah, ils l'auraient prononcé. Ils ont jamais dit que leurs idoles, c'était les créateurs, etc. Là. Mais dalil ala hada, annahum, ils ont refusé de dire la ilaha illallah, et ils ont compris le sens, fil jumla. Tadkurun al-aya. تفضل هذه في المنافقون او في المنافقين انهم ils l'ont prononcé elle n'aurait d'aucune utilité اما هؤلاء c'est l'axe ils l'ont pas prononcé وعجبوا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذب اجعل الالهه الها واحده ان هذا لشيء عجب. Et ils ont compris anna la ilaha illallah, c'était le fait d'unifier Allah dans l'adoration. Ça implique que tu dois délaisser les idoles. C'est ça le muqtada, adorer Allah seul et délaisser le shirk. Ils l'ont compris. Falihada, ils ont été étonnés. Wa ajibu an ja'ahum mundirun minhum. Et à la fin du verset, ou le deuxième verset, inna hadha la shay'un ujab. Et l'autre verset, innahum idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il les appelait à la ilaha illallah, ils yastakbirun. Pourquoi? Qala azza wa jal wa yaqulun a inna latariku alihatina li sha'irin majnun. Ils ont compris que dire la ilaha illallah forcément ils doivent délaisser leurs idoles. Ça, ça montre un al-ma'na de la ilaha illallah, c'est délaisser le shirk et adorer Allah seul. Amma, reconnaître Allah que c'est le créateur, c'est wajib, ça fait partie de l'iman, lakin c'est pas suffisant. Est-ce que Iblis, il a prétendu être le créateur? Abadan, il a refusé l'ibad, kafir. Mais il reconnaît Allah subhanahu wa ta'ala comme créateur. فلهذا قال كما قال عز وجل في القرآن خلقتني من نار. Iblis, il a reconnu, il a dit tu m'as créé de feu, il sait que c'est Allah qui l'a créé. وخلقتني من نار وخلقته من طين. Et il a reconnu qu'Allah il a créé Adam min tin. Et il a pensé être supérieur à Adam, fait il a refusé l'adoration. Kafir. Même si c'est, il est convaincu annahu Allah il l'a créé. Ça serait suffisant. Enfin, ça aurait suffi à Iblis, ça aurait suffi au mushrikoun. Là, le but et l'essentiel et le ma'na, l'asli de la ilaha illallah, c'est la ma'bouda haqqun illallah. Wa hada, incha'Allah, c'est compris. Wa kadhalik, on avait nabbah, anna tafsir al-shahada bil-hakimiyya, kama yaf'ala al-khawarij, al-ikhwan, al-qutbiyyun, أتبع سيد قطب الضلال هذا سباطل واليوم إن شاء الله نقرأ الشرح أو الشرط نعم الذي بعده اليقين قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى الثاني اليقين بما دلت عليه في الشهادة والغيب deuxième condition اليقين il traduit par la certitude. Al-yaqin, c'est un niveau au-dessus du ilm. Fahunak ilmun, et connaître le sens, la science, et al-yaqin, c'est plus fort. Qala al-shaykh al-allama, Muhammad Aman al-Jami, rahimahullahu ta'ala, fi sharhihi ala hadhihi shurut, il a une risala tayyiba, la base c'est des audios, il explique, rahmatullah alayh, ses conditions de la ilaha illallah. Faqala, عن الشرط الثاني اليقين اليقين أعلى مراتب العلم فالعلم il y a plusieurs niveaux plusieurs degrés le plus haut degré c'est اليقين العلم هو المعرفة العلم c'est المعرفة avoir connaissance d'une chose c'est ça العلم هذه المعرفة قد يتطرق إليها الشك والتردد والاضطراب cette معرفة cette connaissance cette personne qui a connaissance de cette chose elle peut avoir des doutes ne pas être sûre malgré qu'elle connaît le sens qala id tajawaz al-ilm hadhihi al-martaba wasala ila darajat ar-rusukh wath-thubut yusamma al-yaqin haythu la yukhalituhu ash-shak al-yaqin c'est un degré au-dessus ay ce cœur qui croit annahu la ilaha illallah et que personne ne mérite d'être adoré sauf Allah, il est à la yaqin, il n'a aucun doute. C'est ça, al-yaqin. Qala al-shaykh Sa'di, rahmatullah alayhi, al-yaqinu huwa al-ilm, al-tam al-mujibu lil-amal. Al-ilm al-tam, ça nous montre que l'ilm, il y a plusieurs degrés. Enfin, le plus haut niveau, c'est le yaqin. Ce yaqin, il va pousser cette personne à adorer Allah azza wa jal seul. Limada, parce qu'il est sûr, il n'a aucun doute. Plus son yaqin il est fort, plus il détestera désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il fera tout pour obéir à Allah azza wa jal. C'est une martaba azima, al-yaqin. Qala Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah fil fatawa, fala yakun al-rajul mu'minan zahiran hatta yudhiru asl al-iman wa huwa shahadatu an la ilaha illallah wa shahadatu anna muhammadan rasulullah. La yakun ar-rajul mu'minan zahiran. Donc al-iman minhu zahir, iman apparent et iman batin, ay dans le cœur. Fal-iman al-zahir, qala Sheikh al-Islam, hatta yudhhir asl al-iman. Il est obligé de prononcer. Nahnu al-an on va se concentrer sur la ilaha illallah. Fa en apparence, al-insan il est obligé de prononcer shahada pour devenir musulman. Sauf bien sûr celui qui n'a pas la capacité. واحد il est muet, il parle pas. فهذا يكفي أنه il a cette عقيدة dans le cœur s'il peut pas prononcer. Ah oui, il ne peut pas l'écrire. Ça arrive. Lakin al-asl, la base, c'est celui qui peut la prononcer. C'est obligé qu'il la prononce. S'il ne la prononce pas, même s'il prétend croire dans son cœur, c'est pas suffisant. Les anassi croiraient vraiment, pourquoi il ne la prononce pas? Hada awwalan, prononcer cette shahada. وَلَا يَكُنْ مُؤْمِنًا بَاطِنًا حَتَّى يُقِرْ بِقَلْبِهِ بِذَلِكَ. Deuxièmement, il doit avoir la conviction dans le cœur أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. Ça fait sortir المنافقون. المنافقون, ils l'ont prononcé, mais ils n'ont pas la croyance dans le cœur. Donc, obligé d'avoir les deux pour être un mu'min. Une croyance est parole et acte. وَلَا يَكُنْ مُؤْمِنًا بَاطِنًا حَتَّى يُقِرْ بِقَلْبِهِ بِذَلِكَ فَيَنْتَفِ عَنْهُ الشَّكُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا. Il la prononce, il est convaincu, il a la certitude, et inshallah, il n'a aucun doute. Il n'y a pas de place pour le doute fi hadhihi al-masa'il. Le musulman doit être à la yaqin que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le khaliq, c'est le raziq, c'est le mudabbir, le muhyi, le mumit, le mustahiq lil ibada. Qala shaykh al-islam, فينتفي عنه الشك ظاهرا وباطنا مع وجود العمل الصالح. Bien sûr, avec des a'mal. لأنه s'il prononce cette shahada, il a la conviction dans le cœur, أنه لا إله إلا الله. Forcément, s'il a la certitude, ça va le pousser à faire des a'mal. لأنه il sera sûr, أن الله سبحانه وتعالى, il peut le châtier. أن الله سبحانه وتعالى, il récompense الموحدين. أن الله سبحانه وتعالى, il lui a obligé certaines choses, il lui a interdit certaines choses. Ce yaqin, il va le pousser à œuvrer. فلا شك هذا. Et parmi A'zam al-A'mal, c'est al-Tawhid et appliquer al-Tawhid. Et aimer le Mouahidoun. Et détester le Kufr et détester al-Kafirin. Hada, ça fait partie de ces A'mal. Thumma salat, etc. Al-A'mal. Amma annahu, il est sûr. Thumma, il n'applique pas ce que cette shahada elle implique, min Tawhid, ou al-Bara'atu min al-Shirk ou al-Mushrikin. Fahada, la tanfa'u. Il dit une chose, fil haqiqa, il n'est pas sûr. Il serait sûr, il aurait appliqué. فهذا هو معنى هذا الشرط اليقين c'est un niveau au-dessus de l'ilm et ce qui contredit ce yaqin c'est les doutes ne pas être sûr كما هو حال المنافقين عياذا بالله قال شيخ حافظ الحكمي رحمة الله عليه الثاني اليقين بما دلت عليه في الشهادة والغيب المنافي لمناقضه المنافي نعم لمناقضه من الشك والريب الشك والريب c'est deux mots qui se ressemblent c'est avoir des doutes قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا تأمل قوله عز وجل إنما المؤمنون إنما en arabe تفيد الحصر أي المؤمن c'est seulement celui qui a cette caractéristique Innama, il est important ce mot fil aya. Innama al-mu'minun, ay c'est qui le mu'minun? C'est que ceux qui ont l'iman billahi wa rasulihi, thumma lam yartabu. Ils n'ont aucun doute. Anna Allah, c'est le Rabb, c'est lui qui mérite l'adoration. Anna le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un messager. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a envoyé pour nous guider. Wa hakada. Imanun, yaqin, il n'a aucun doute. ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون ومن أوصاف المؤمنين كذلك الجهاد في سبيل الله بالمال والنفس فقصر الإيمان عليهم مع التقييد بكونهم لم يرتابوا أي لم يشكوا donc cette condition pour que l'iman soit valide pour que shahada elle soit valide c'est al-yaqin فلهذا العلماء السيت من شروط لا إله إلا الله اليقين la certitude فلا إيمان لمن قالها شاكا مرتابا celui qui l'a dit il la prononce لكن il a des doutes والعياذ بالله il est pas sûr فهذه الكلمة لا تنفع il est obligé de la prononcer et il est sûr ولو قالها بعدد الأنفاس وَلَوْ صَرَّحَ بِهَا حَتَّى يُسْمِعَ جَمِعَ النَّاسِ même s'il la répète autant de fois qu'il respire même s'il la prononce et chaque personne tout le monde l'entend لَا تَنْفَعُ لَا تَنْفَعُ لِأَنَّا il manque un شرط et vous vous rappelez que la parole de Wahb ibn Munabbih أن cette kalima c'est comme une clé

Allah subhanahu wa ta'ala, il ne pardonne pas le shirk, ça montre que le shirk, il est fin nar, et il ne rentrera jamais à l'jannah. كما قال عز وجل ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة celui qui meurt على الشرك الأكبر الله lui interdit الجنة il a fait des أعمال أم لا il a fait le salat il était طيب avec les gens il avait un bon comportement ça lui sert à rien il est mort على الشرك الأكبر فإلى في النار bien sûr نحن dès qu'on parle الآن c'est des أحكام مطلقة عامة on ne parle pas cas par cas là on parle en général فالمؤمن الموحد il rentre forcément à الجنة دخل الجنة لكن est-ce qu'il rentre directement أم لا فهذا c'est par rapport à ses hommes أما الموحدون الخلص كما جاء في حديث ابن عباس الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى الله يتوكلون أو كما قال هؤلاء ils ont placé leur confiance en Allah ils ne demandent pas le ruqya ils ne pratiquent pas le kay ils se brûlent se guérir ils c'est une façon de se soigner avec le feu tout ça ils le délaissent pourquoi parce qu'ils sont mutawakkilun ala Allah haoula ils ont un haut niveau fi tawhid ils rentrent fi jannah directement amma les autres ça dépend wa ala kulli hal s'il est mort ala tawhid al khalis et bien sûr il a appliqué ses conditions fahada inshaallah il rentrera fi jannah wa la but que ça soit directement ou après ça montre fadl al tawhid et en même temps ça montre la gravité de le ma'asi lian al nar c'est pas simple النار سي با سامبل الان تامل لو tu te brûles avec quelque chose فربما تتعب او si on t'enferme dans un endroit ربما 6 mois 1 an 2 ans ou اكثر تتعب فالنار سي با سامبل فالانسان يplace sa confiance en Allah ou يتوكل على الله يبتعد من المعاصي il fait tout pour obéir à Allah عز وجل et Allah سبحانه وتعالى يحب المتقين فهذا par rapport à قوله دخل الجنه قال الشيخ حافظ رحمه الله وفيه من حديثه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه بنعليه فقال اذهب بنعلي هاتين فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة حديث كذلك في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال أن celui que tu trouveras derrière ce mur il témoigne لا إله إلا الله il a la certitude annonce la bonne nouvelle أنه il est من أهل الجنة النبي صلى الله عليه وسلم vous avez remarqué qu'il a cité la condition ما قال يشهد لا إله إلا الله بشره بالجنة il a cité la condition مستيقنا بقلبه et ça c'est une condition اليقين فائدة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه النافع الاستقامة Il démontre dans la faïda qu'on va lire أن اليقين يتفاوت أي اليقين la certitude il y a des degrés كذلك فبعض الناس ils ont une certitude plus forte que d'autres قال فأما اليقين الذي هو صفة العبد فذاك قد فعله من حين عبد ربه ولا تصح العبادة إلا به فالمؤمن il adore Allah pourquoi لأنه il est على يقين pourquoi chaque مؤمن ولله الحمد il déteste le shirk, il délaisse le shirk et il obéit à Allah subhanahu wa ta'ala, il fait salat il fait tout pour s'écarter de certaines ma'asili il a la certitude il sera châtié par rapport à leur degré de yaqin et leur degré d'iman tu trouves les mu'minin, ils ont des faiblesses farubama, ils délaissent une obligation ah oui, il fait un péché est-ce que ça le fait sortir de l'islam là لأن la base de l'yaqin il l'a c'est pour ça qu'il adore Allah Azza wa Jal et c'est pour ça que c'est un muslim ثم par rapport à ses faiblesses il aura des manquements dans certaines obligations ou dans certains péchés il aura un tasahul il les fera قال شيخ الإسلام ولا تصح العبادة إلا به وإن كانت له درجات متفاوتة أما اليقين il doit l'avoir ثم les différents degrés ça dépend du chance plus Ce musulman, il fait des efforts fil ilm. Et autre, comme on va citer la deuxième faïda de Cheikh l'Islam, plus son yaqin il montera. Plus son yaqin il monte, son iman il monte automatiquement, plus, inshallah, il s'écartera des dhunoub et il fera des adorations akthar. Deuxième faïda, on la lit. Qala Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, fil fatawa. Amma kayfa yahsul al-yaqin fa bi thalathati ashiya. Trois choses pour avoir l'yaqin ou pour augmenter son yaqin. Et ça, c'est muhim. Trois choses. La première, ahaduha, tadabbur al-Qur'an. Méditer sur le Qur'an al-Karim. Ça fait monter le yaqin. Et le musulman, il ressent ça. Quand il lit le Coran, khassatan, comme قال عز وجل, أفلا يتدبرون القرآن. Tadabbur, c'est de comprendre les sens, méditer sur les sens, lire les explications de Ahl al-Ilm. Bien sûr, il doit avoir une application, c'est le fruit de cette méditation, de ce ilm. Fahada, la shak wa la raib, anna son yaqin, il montra, et son iman, il montra. Il fera beaucoup plus d'efforts fi dinillahi azza wa jal. Donc, tadabbur al-Qur'an. Le musulman, il fait des efforts fi hada. On lit al-Qur'an et kadhalik, on doit donner du temps pour comprendre. Et parmi les livres qui t'aideront à comprendre, un livre très simple, le tafsir de Sheikh Sa'di rahmatullah alayhi. C'est un tafsir jamil, jiddan. Très simple. Il ne rentre pas dans les détails et il explique le verset et c'est une explication nafi'a jiddan. Simple, précise, concise. فننصح الإخوان بالاجتهاد في هذا الكتاب خاصة للصور كون لي tous les jours كالفاتحة جزء عمة وأخرى هذا c'est مهم تدبر القرآن ça fait monter l'iman et ça fait monter l'yaqin. Deuxième chose, تدبر الآيات التي يحدثها الله في الأنفس والآيات التي تبين أنه حق كذلك التدبر في آيات الله عز وجل الكونية et الشرعية. تقدم dans le premier point, تدبر القرآن. Certaines choses, ça fait monter l'iman et l'yaqin si tu médites sur toi-même et sur autre. Tu vois des créatures parmi les créatures d'Allah Azza wa Jal et tu médites et ça fait monter l'iman et l'yaqin. Tu sais cette créature, comme elle est faite, c'est une créature azim. Tu sais très bien que le créateur, il est azim. C'est lui qui l'a créé Azza wa Jal. Ça fait monter ton iman et ton yaqin. Et beaucoup de versets dans le Coran, en Allah Azza wa Jalla yahuth al-mu'minin an yatadabbaru fi ayat. Troisième, al-amal bi mujib al-ilm. L'application. Ce ilm que tu apprends, que ce soit fait le Coran ou fait le Sunnah, tu t'efforces à l'appliquer, ça te fera monter al-yaqin. Bi idnillahi Azza wa Jalla. Kadhalik, on rajoute al-du'a. Al-du'a. Et ça fait partie de al-amal. الإنسان في الدعاء أن الله سبحانه وتعالى يجعله من المتقين من أصحاب اليقين من الموحدين في الدعاء الله سبحانه وتعالى يستجيب لعباده المؤمنين فهذا ما يتعلق باليقين. Donc deuxième condition, اليقين, la certitude. Et الدليل قول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. C'est ça le شاهد. ثم لم يرتابوا أي لم يشكوا. S'ils n'ont pas de doute, c'est qu'ils ont la certitude. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد رسول الله لا يلقى الله بها عبد غير شاك فيها إلا دخل الجنة. Ça montre أن لا إله إلا الله, elle est profitable si elle est prononcée avec yaqin. ثم قال الثالث, la troisième condition, القبول لها المنافي لرد مدلولها. قال الله تعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. Troisième condition, القبول, أي il accepte. Il accepte cette kalima. Il accepte de la prononcer et il accepte son sens. Amma, celui qui rejette, rad, il ne la prononce pas, ou il n'accepte pas son sens, ou il n'accepte pas na'am, le fait de l'appliquer. Matalan, il n'adore pas Allah Azza wa Jal, ou il ne s'écarte pas du shirk. Fahada la tanfa'u. Innama al-mu'minuna bi ayatina alladhina idha dhukiru biha kharru sujjada. C'est ça le mu'min. Et si une ayah d'Allah subhanahu wa ta'ala lui parvient, on lui rappelle, yastaslim, il se soumet, il accepte. Qala Sheikh Hafiz rahimahullah wal ayat huna al murad biha al Qur'an wa mu'azzamuhu fi haqq hadhihi al kalima kama bayyana al imam ibn al qayyim rahmatullah alayhi anna al Qur'an kulluhu tawhid wa dhukiru wa wu'idhu wa hum la yastakbirun ay an al iman billah wa ta'atihi wa dhalika huwa haqiqatu al ta'alluh المنفي عن سوى الله بلا إله المثبت له سبحانه بإلا الله. نعم, le fait qu'ils disent لا إله إلا الله, ils rejettent toutes les adorations autres qu'Allah, les choses qui sont adorées en dehors d'Allah, et ils acceptent d'adorer Allah عز وجل seul. قال عز وجل إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فالمشركون على époque du prophète صلى الله عليه وسلم ils l'ont pas accepté. فلهذا ils sont pas rentrés dans l'islam. يستكبرون. Ils ont eu du kibr. Pourquoi? لأنهم ils ont compris qu'il fallait délaisser les idoles et adorer Allah عز وجل seul. فالمسلم il doit accepter هذه الكلمة. La prononcer et croire en son sens. Et il applique autant qu'il peut. قال ولا رد أعظم من الاستكبار. On a cité le verset. ولهذا قال الله تعالى في حق من ردها بعد أن ذكر ما وعدها به من العذاب أنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. On a cité le verset. ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. Ils n'ont pas voulu délaisser leurs idoles et ils n'ont pas voulu accepter la ilaha illallah. Donc ce n'est pas des musulmans. C'est pour ça qu'ils ne l'ont pas prononcé. Nous, on doit accepter la ilaha illallah. On doit accepter et reconnaître et avoir la conviction qu'Allah c'est le seul qui mérite d'être adoré et on doit délaisser al-aliha al-ba'tila. Ma yu'bad min dounillah. On doit délaisser tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Hada shart, il est simple. Al-qaboul, accepter, c'est le contraire du rejet. فلم يترك آلهتهم المنفية بلا إله ولم يقبلوا إثبات إلا الله. Donc لا إله a délaissé toutes les divinités en dehors d'Allah, ils l'ont pas accepté. Mais ils ont continué à adorer les idoles. إلا الله a إثبات العبادة لله, comme on l'a vu dans les deux piliers, ils l'ont pas appliqué. Donc est-ce qu'ils vont prononcer shahada? Abadan. Est-ce qu'on va dire c'est des mu'minoun muwahhidoun? Abadan. فاليهود والنصارى والمشركون, tous ceux qui suivent une religion autre que l'islam, ils n'ont pas accepté cette shahada. قال فقال تعالى تكذيبا لهم وتصديقا لنبيه صلى الله عليه وسلم بل جاء بالحق وصدق المرسلين. جاء بالحق اي النبي صلى الله عليه وسلم وصدق المرسلين. كذلك الرسل avant lui, ils ont appelé à ce tawhid. هو في الصحيح عن ابي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الدين والعلم. Un exemple طيب. في القرآن وفي السنة il y a beaucoup d'أمثلة, أي des images, des exemples pour t'aider à comprendre. الإمام ابن القيم رحمة الله عليه il les a rassemblés, ou beaucoup de ces exemples, dans un livre الأمثلة, أي qui sont cités في القرآن. Et d'autres, ils ont cité les amtila qui sont fait le Coran ou fait le Sunnah. Parmi ces exemples que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous montre pour comprendre, هذا مثل ما بعثني الله به من الدين والعلم كمثل الغيث. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam va comparer ce ilm et ce din avec la pluie. Tu vas trouver certaines personnes, ils acceptent l'ilm et ils profitent d'itan. Maintenant, ils acceptent l'ilm et le tawhid et ils appliquent, ils profitent. S'ils meurent à la hadal hal, bi'idni Allah, ils sont min ahli al-jannah. Hakada, tu trouves certains endroits, certaines terres, elles acceptent la pluie. Tu trouves cette terre, elle profite d'idan. Il y a des fruits, il y a des plantes, il y a beaucoup de choses qui vont pousser. Et les gens, ils vont profiter de cette terre. Hakada, les gens avec l'ilm. Tu trouves certaines terres, elles acceptent pas la pluie. Donc cette terre, elle profite pas aux gens. Hakada, c'est ça le mithal qu'il a donné à Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On le lit un. قال كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء. Donc cette terre elle accepte le ماء. فأنبتت الكلى والعجب الكثير وكان منها أجاذب أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى. Donc les deux premières terres, la première elle a accepté beaucoup d'eau, elle a profité. La deuxième كذلك, elle a accepté de l'eau. كذلك, il y a eu un profit, moins que la première. لكن les deux, tu profites de ces deux terres. La troisième, قال وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. Troisième terre, elle n'accepte pas l'eau. Il n'y a aucune plante qui pousse. Il n'y a aucun profit. قال فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بشر الله به فعلم وعلم. Hakada, celui qui profite du ilm. Il profite lui-même et il fait profiter les autres. Thomas, les gens, ils sont à des niveaux différents, comme les terres. Tu vas trouver des gens, il va profiter beaucoup, il va faire profiter les autres. Tu vas trouver une autre catégorie, il profite un peu, il ne fait pas profiter les autres. Lakin, il profite lui-même. Lakin, il n'a pas la capacité pour faire profiter aux autres. Alors, s'il fait profiter, il ne fait pas profiter comme le savant. C'est pour ça que tu trouves les gens avec le ilm, ils sont plusieurs niveaux. Tu as les messagers, tu as les prophètes, tu as les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu as les savants parmi les salaf, tu as les savants, ils ont des niveaux, ils sont pas tous au même niveau, fil ilm wal amal, wa hakada. Thumma tu as le jahil, c'est un musulman, il est ignorant, mais en lui-même il y a du khayr, wa hakada. Cet exemple, il est tayyib jiddan. قال وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. Et la terre qui accepte pas, c'est comme certaines personnes qui acceptent pas l'ilm. Al-kuffar. Ils entendent le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce message qui est fondé sur l'ilm, ou al-nour, ou al-rahma, et ils l'acceptent pas. Et c'est d'aucune utilité pour eux. Pourtant, le khayr, il est devant leurs yeux. Andur matalan al-Qur'an, il est propagé partout. Al-da'wa, les livres, al-ulama, al-kuffar, il ne profite pas. Pourtant, c'est devant eux. Wa tawfiq, c'est min Allah. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, la yadlim ahad. Il ne profite pas, li'annahum, il ne mérite pas. Et li'annahum, ils ne veulent pas profiter. Amma celui qui veut et fait des efforts, fa Allah, subhanahu wa ta'ala, il lui facilite. قال الشيخ حافظ فانظر هذا الحديث واعتبر به فهو عبرة لأولي الأبصار فإنك إذا أمعنت أي أمعنت أي si tu médites bien dans ce hadith qu'on a expliqué brièvement رأيته يحتوي على ما لم يتسع له المجلدات الكبار. الشيخ حافظ dit si on expliquerait ce hadith فربما il faudrait plusieurs volumes, on pourrait l'expliquer dans des livres en plusieurs volumes. نعم سنحديثي يغصم له بوكو تخير. والمقصود هنا أن المثلين الأولين لمن قبل هدى الله. Les deux premiers exemples, les deux premières terres, c'est celui qui accepte هدى الله. Et la chose la plus importante, c'est accepter التوحيد, bien sûr. ثم accepter le reste. الذي هذه الكلمة أصله وإن كان على درجتين متفاوتتين. والمثل الثالث لمن لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبله. فلم ينتفع هو ولم ينفع غيره بل هو ضرر محض على نفسه وعلى غيره. Troisième cas, il accepte pas le din, il accepte pas l'islam, il accepte pas le tawhid. Fa en lui-même, il y a aucun khair, لأنه c'est un kafir, un mujrim. Et كذلك, il fait que du mal aux autres. Personne profite de lui. هكذا حال الكفار والمنافقين عيادا بالله. Donc troisième condition, al-qaboul, accepter cette parole. المسلم il doit avoir تواضع. On accepte le tawhid. Tout ce qui est fondé sur l'adillah, on doit l'accepter. Al-kibr, ça profite en rien. Al-kibr, ça fait du mal à la personne. Ta'ammalu Iblis. Annahu, il était ma'al malaika. Il était fil jannah. Et il était fil khayr. Quand il n'a pas accepté amrun min amrillahi azza wa jal, min awamirillahi azza wa jal, usjud lima khalaqtu bi yadayya, hakada qala azza wa jal. Tu te prosternes à ce que j'ai créé de mes mains. Il a refusé. خلقتني من نار خلقته من طين انا خير منه الى je suis meilleur que lui. Tu m'as créé de feu, tu l'as créé de terre. Et ces gars, et Iblis, il ira fil nar. فالانسان يفعل attention, الحق accepte le بالتواضع surtout ما يتعلق بالتوحيد. لكن il y a une façon de propager ce haq. فلهذا نحن on a une responsabilité, ان هذا التوحيد on le propage بالتي هي احسن بعلم, de la meilleure des manières, hatta celui qui a du khayr, inshallah, il n'a eu aucune excuse, il acceptera. Celui qui n'accepte pas, c'est un shaqi, ayyadun billah, sallallahu alayhi wa sallam. Naktafi bi hadha al-qadr, et le prochain dars, inshallah, na'khud al-shart al-rabi'. Révisez ces shurut, si vous pouvez apprendre un dalil pour chaque shart, fa tayyib. Et on les avait détaillés akthar ma'a ikhwanina dans sharh al-wajibat, wallahi alhamd, on l'a propagé. Celui qui veut التوسع أكثر فهي revient à شرح الواجبات. Il y a un chapitre sur شروط لا إله إلا الله, on les avait expliqués et ça ressemble à هذا الكلام. لكن نحن dans cette رسالة on essaye de résumer حتى ça reste, et c'est plus facile à réviser, c'est plus facile à apprendre. حياكم الله.